À l'occasion de la journée de la brillante étoile, jour de naissance du général Kim Jong-il, il y a eu un symposium conjoint des organisations politiques et sociales péruviennes sous thème « Grande vie révolutionnaire et exploit impérissable du dirigeant Kim Jong-il ». Dans la salle de symposium, se trouvait exposé son portrait en sourire, ainsi que les œuvres classiques du général et du respecté dirigeant suprême Kim Jong-un. Y ont pris part les personnalités et membres des partis politiques et formations du Pérou. Il y a eu les interventions de plusieurs personnalités sous divers titres comme le patriotisme Kim Jong-il, le camarade Kim Jong-il et les idées du jeté, le socialisme est une science, la politique de Sun-gun de la Corée et la vie du grand homme. Ce sont notamment le secrétaire général du comité préparatoire américain pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes actuels 2017, président du mouvement péruvien de l'indépendance nationale pour l'union du vote libre, et le secrétaire général du Front populaire des ouvriers, paysans et étudiants du Pérou.